tous et moi, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Un petit concert ou une boîte de nuit? Des boîtes de nuit, j'en ai un peu marre. Y'a un groupe super qui se produit. Oh, oh, oh. Ok, bon choix, rock'n'roll toute la nuit. J'y serai vers 19h ce soir. Station de métro, Oberkampf, Paris. Ne me laisse pas tout seul dans le noir. Salut, c'est moi, ça y est, je me barre. J'ai pu finir tôt ce vendredi. Ce 13e jour du mois, quel drame se prépare. Ou quelle chance, ce profil sans bruit. Ouh, oh. Dis-moi, t'as l'air tout bizarre, bizarre. Pourtant, t'as jamais cru à toutes ces conneries. Les films d'horreur, c'est pour les nanars. Et les zombies, pour les abrutis. L'ambiance est géniale, le groupe aussi. Tu écoutes le concert installé au bar. Au milieu de tous nos amis. Oh, oh, oh. C'est du grand son, c'est du grand art. C'est du grand rock'n'roll aussi. Super soirée, en tout cas ce soir. Mais pourquoi tout ce bruit?